Nak ben chauffeur camion la won xam nga wu gaajo rek mom day def comme ni la majeure partie des sénégalais di def rek day jël camion bi da kay yaba yaba yaba yaba ba affaire bi def ben tombo ge ay bus nak bi mi amé ben transport bi mi kay def rek ci digu yoon bi rek mo tassax ben pont limi yeb dafa fess ba nga xamné mom mënatul jall ci pont quoi affaire bi c'était trop haut pour mom légui waji taxaw fofu nak amul bon solution lu mu def mom amul ben yond ak bu meuna utiliser tam mom gay li ke res monté beuri wol de waye mënul jall até bu jallé rek affaire mi day daanu xala ton sax pour décharger ko waye décharger bi gën dafa na ron compliqué wajjo ju tok fofu kene di xalat yek sa non rek mu am ben boy bu ñew di na ndomb rek boy bu neere wa sama papa di nga bal ma mané gi sax ba légui yek ñu taxaw fi la mo doon sen problème wajjo nak ah ñun de ya ci gis de suñ camion mi ngi ni gaay mënul jall ak boy bi neena ah en gaan gaana ba li len dessa beuri wol ken da ngeen ni peral sen rouy rek après ngeen jall fa bi xol ko jeeg sa rek ci nga bop ne ko boy yow ya problème gaay ni su souf problème bi ci kaw la